Après avoir fustigé le comportement de Macbeth, quatre nobles d'Écosse partent rejoindre les forces anglaises vengeresses qui approchent de Dunsinane. De son côté, Macbeth fanfaronne. Ne me transmettez plus de rapport, qu'ils désertent tous. Jusqu'à ce que la forêt de Birnam se transporte à Dunsinane, je ne puis être atteint par la crainte. Qu'est-ce que le marmousier Malcolm? N'est-il pas né d'une femme? Les esprits, qui connaissent toutes les conséquences mortelles, ont prononcé ainsi à mon égard. Ne crains rien, Macbeth. Ni l'homme ni d'une femme n'aura jamais de pouvoir sur toi. Fuyez donc, baron traître, et allez vous mêler aux épicuriens anglais. L'âme par qui je règne et le cœur que je porte ne seront jamais accablés par le doute, ni ébranlés par la peur. Entre un serviteur. Que le diable te noircisse de sa damnation, drôle, à face de crème. Où as-tu pris cet air d'oie? Il y a 10 000. Oison, maraud, soldat, seigneur. Va, pique-toi le visage, et farde de rouge ta peur, marmot au foie de lys. Quel soldat? Chiffon, mort de ton âme, tes joues de linge sont conseillères de peur. Quel soldat? Face de l'écaillé. Les forces anglaises, sauf votre bon plaisir. Ôte ta face d'ici. Le serviteur sort. S'étonne? Le cœur me lève quand je vois. S'étonne, allons! Ce grand coup va m'exalter pour toujours ou me désarçonner tout de suite. J'ai assez vécu. Le printemps de ma vie est en proie à la sécheresse, aux feuilles jaunes, de tout ce qui doit accompagner le vieillage, le respect, l'amour, l'obéissance, les troupes d'amis. Je n'ai plus rien à espérer. Ce qui m'attend à la place, ce sont des malédictions muettes, mais profondes, des hommages de bouche, murmure que les pauvres cœurs retiendraient volontiers s'ils l'osaient. S'étonne. Entre s'étonne un officier de la suite de Macbeth. Quel est votre gracieux plaisir? Quelles nouvelles encore? Tous les rapports se confirment, monseigneur. Je combattrai jusqu'à ce que ma chair tombe, hachée de mes os. Donne-moi mon armure. Il n'y en est pas encore besoin. Je veux la mettre. Qu'on lance encore de la cavalerie. Qu'on balaye la contrée d'alentour. Qu'on pende ceux qui parlent de peur. « Donne-moi mon armure !» Le docteur entre. « Comment va votre malade, docteur ?»« Elle a moi une maladie, monseigneur, qu'un trouble causé par d'accablantes visions qui l'empêche de reposer. Guéris-la de cela. Tu ne peux donc pas traiter un esprit malade, arracher de la mémoire un chagrin enraciné, effacer les ennuis inscrits dans le cerveau, et grâce à quelques doux antidotes d'oubli, débarrasser le sein gonflé des dangereuses matières qui pèsent sur le cœur. » En pareil cas, c'est au malade à se traiter lui-même, monseigneur. Qu'on jette la médecine aux chiens, je ne veux rien d'elle. Allons, mettez-moi mon armure. Donnez-moi mon bâton de commandement. Sait-on, fais faire une sortie. Docteur, les barons me désertent. Allons, mon cher, dépêchons. Si tu pouvais, docteur, examiner l'eau de mon royaume, découvrir sa maladie et lui rendre, en le purgeant, sa bonne santé première, je jetterais tes louanges à tous les échos pour qu'ils les répétassent. Extirpe-moi ce mal, te dis-je. Quelle rhubarbe, quelle sénée, quelle drogue purgative pourrait donc faire évacuer d'ici ces Anglais? As-tu ouï parler d'eux? Oui, mon bon seigneur. Les préparatifs de votre majesté nous ont donné de leurs nouvelles. Comporte mon armure derrière moi. Je ne craindrai pas la mort ni la ruine avant que la forêt de Birnam vienne à Dunsinane. Tous sortent, excepté le médecin. Si j'étais une bonne fois libéré de Dunsinane, il n'est pas de profit qui m'y ferait revenir.